Nous voilà le bien livre occupés. Au documentaire. Merci Patrick Pénaud d'être venu nous voir. Je vous en prie, c'est moi qui étais ravi de revenir à France Inter. À bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les Vedettes de Cherbourg, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, demain nous évoquerons le dossier Marc Dutroux.